Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison ou les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Ok, donc vous êtes bien à l'écoute de Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Notre adresse, c'est toujours le 365A, chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Voilà, ce soir nous avons notre ami Eric qui est là. Bonsoir Eric. Bonsoir. Ça va ? Salut. Oui, ça va, super bien. Donc quand Eric vient, c'est pour faire une émission culturelle. Donc ce qui n'est pas toujours, qu'on ne fait pas toujours à Tranche d'Anard, mais enfin on en fait quelques-unes quand même. À la demande d'Axel. Hein. Alors à la demande d'Axel, nous avons fait une émission. Moi, j'ai rien dit. À la demande d'Axel. C'est grâce à Axel. On fait encore de la culture à la radio. Non, j'ai donné l'idée, c'est tout. De toute façon, il faut faire de la culture parce que avec ce qui se passe en Flandre, avec les coupes sombres dans la culture, il faut parler de la culture et que les gens aillent voir les expositions et tout. Sauf que c'est une exposition très chère, malheureusement. Non, c'est scandaleux. Oui. C'était vraiment très cher. C'est quand même 17 euros la place. On parle de l'expo Brancusi à Beaux-Arts, voilà, dans le cadre de Europalia Romani. Voilà, ça veut dire que, comment on s'appelle, les prolos ou les anarchistes pas très riches, parce qu'il y en a plein, eh ben, ils ne vont pas aller la voir. Alors, je ne sais pas pourquoi on en parle, d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est scandaleux, c'est vraiment... Oui, c'est vrai que c'est un peu scandaleux. Même la presse, nous, on a payé 10 euros. 9,50 €. Alors maintenant... Voilà. Ben, je ne vais pas faire la publicité, mais il existe un système avec un pass. Il y a un problème avec... Ouais. Oui, c'est pas trop... Non, ça va. Ouais. Ça s'appelle Musée Impass, donc c'est 50 euros par an, et tu peux aller dans plein de musées d'exposition. Mais bon, c'est... Eric, le problème, c'est qu'il coupe plein de... Parce que en Belgique, dans tous les musées, il y a un jour gratuit. Et le type à la caisse nous a dit « Non, il n'y a rien de gratuit. » Il n'y a plus rien de gratuit. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé, aux Beaux-Arts, ils ont supprimé tout ce qui était les avantages de la presse. Avant, quand on allait aux Beaux-Arts pour voir une exposition, avec la carte de presse, on pouvait rentrer gratuitement. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, ils ont supprimé ça. Mais ils ont changé parce que je sais pas quand vous êtes allé, mais quand moi je suis allé, ils ont dit qu'ils ont changé leur parce que vraiment à la caisse ils ont eu une confusion. Ils ont changé le dernier jour comme 50% pour la presse, moitié prix. Ah bah le titre nous a dit que c'était plus, il y avait plus d'histoire de presse à la, au Beaux-Arts. C'était terminé. Non, mais bon, le Beaux-Arts c'est fédéral, donc ça veut dire que, en plus le fédéral, ça veut dire comme en Flandre, mais en fédéral aussi, et probablement en Wallonie, il y a de moins en moins de l'argent pour ce genre de choses-là. Donc ça devient d'un côté aussi une sorte de, d'institution commerciale qui doit trouver de l'argent pour faire ce genre de choses-là, malheureusement. Parce que ce n'est pas une bonne évolution, mais bon. Oui, mais quand on dit qu'il faut que les gens aillent se cultiver ou aller voir des choses, bon, on peut faire des choses aussi. Bon, effectivement, on peut payer 50 euros par an, un pass oui, qui pas permet... Tout le monde, hein. Oui, mais pas tout le monde peut payer 50 euros non plus par an, tu vois. Parce que c'est... avant, il y avait quand même des musées qui faisaient des choses gratuitement le premier lundi du mois ou je ne sais pas mercredi. Quoi. Mais on peut occuper le Beaux-Arts, hein, comme Brotage a fait dans les années 60. Ben voilà. Mais, mais le problème, c'est aussi, il y avait un problème qui était très ennuyeux, quoi. C'est que maintenant, dans les expositions, il y a des groupes. Il y a toujours eu, Axel. Non, mais oui, là, j'étais guide dans le temps, moi. Non, après... Il y en avait, mais maintenant, il y en a de plus en plus, des gros paquets qui sont 30 ou 40, qui se mettent devant les tableaux et qui ne bougent pas. Alors, tu es obligé de passer de droite, que ça soit français, francophone, néerlandophone, anglais, allemand, et tout, ils sont là, et voilà, ils discutent. C'est vrai que en c'est... plus, ils parlent fort. En plus, ils disent souvent des conneries, parce que la bonne femme, elle a fait ou le bonhomme, en général... En général, c'est vrai que c'est souvent des jeunes femmes, mais souvent, il y a des gens, il y a des mecs, et ils ont fait un an d'école des Beaux-Arts, ou je ne sais pas quoi, et tout. Peut-être pas et quand même. Et ils disent quand même des conneries, quoi. Bon, voilà. Mis à part. Voilà. En tout cas, voilà. J'étais très déçu. Donc, on est, après avoir lancé toutes ces critiques, Oui, je ne voulais rien dire, moi. nous sommes quand même allés voir cette exposition au Beaux-Arts. Axel, j'ai poussé un peu Axel parce qu'il ne voulait pas rentrer, parce qu'il disait que c'était scandaleux de payer, mais enfin bon, voilà. Mais enfin, on l'a quand même vu. J'étais un peu circonspecte par rapport à l'exposition. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Eric. Ce matin. Je suis allé ce matin. Et alors j'y connaissais Brancusi. Ben, oui. J'ai d'abord cherché comment... prononcer ce nom, c'est en fait en roumain, ça s'appelle Brâncuși. Oui, Brâncuși. Mais bon, ça devient tout compliqué, donc on va dire Brâncuși. Je connaissais les œuvres connues, et bien, ils étaient là, et c'était... Mais pour moi, ce n'est pas un artiste qui a vraiment sa place ici, mais j'ai cherché si je pouvais quand même trouver quelques petites choses où on peut voir un lien... assez forcé avec l'anarchie, j'en ai trouvé. Mais il y en a. Ah bon? Voilà. Bah c'est tiré des cheveux, on dit ça. Tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux. Mais bon, c'est un artiste important dans le XXe siècle. Il a fait des sculptures. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il faisait partie de groupuscule X au mouvement E. Il est connu. Il était connu. Il connaissait tous les artistes à l'avant-garde de la période 1910, fin 30. Mais il a fait quand même quelque chose assez personnel, unique. Donc, pour là, c'était intéressant. Mais bon, une petite biographie, je ne sais pas que c'est important ou pas. Il est né, je ne sais pas quand, ça j'ai mis sur moi. 1800, je ne sais pas quoi. J'ai noté ça quelque part. Hein. Donc, il est né en 1876 en Roumanie, dans une famille de paysans. Assez pauvre. N'aimait pas aller à l'école, donc déjà à 8-11 ans, il s'enfuit donc, de l'école pour le retrouver. Donc il a fait des petits travaux, comment on dit ça, donc il a travaillé comme apprenti et tout ça, et à 16 ans, plus ou moins, il a commencé à suivre des cours dans une école d'art et de métier, dans son temps libre, parce qu'il devait toujours travailler, comme il venait d'une famille pauvre. Et après ses cours, il s'est inscrit à Bucarest dans l'Université nationale de l'art. Et là, il a étudié de 1898 à 1902. Et en 1904, il part à Paris. Donc il y a la fameuse histoire qu'il a fait tout ça à pied, donc il a fait quand même des parties en pied, mais il a aussi pris le train. Mais bon, il a créé sa propre mythologie, et il a fait ça plusieurs fois dans sa vie aussi. Avec, c'était que lui qui pouvait prendre des photos de ses œuvres, parce que les autres ne le faisaient pas très bien. Donc là, il arrive à Paris, il s'inscrit aussi à une école pour apprendre encore l'art. C'était l'École nationale des beaux-arts, et là, il a terminé ses études en 1906. Et dans son jury, il y avait des artistes connus de ce temps-là, Antoine Bourdel, Médard de Rosso et Aristide Maillol. Et Aristide Maillol, je vais maintenant lire un petit texte, pour énerver Axel. ça vient d'une petite chanson, Ma gonzesse. Et puis elle est balancée un peu comme un maillol, donc ça... Tu sais bien les statues du jardin des Tuileries qui, hiver comme été, exhibent leur guibole et se gèlent le cul et le reste aussi. Voilà, donc ça c'est Renaud qu'on ne pouvait pas laisser entendre ici. À cause d'une petite censure, une censure de qualité, ou je ne sais pas. En fait, à ce moment-là, Rodin, Auguste Rodin, le fameux sculpteur, l'a aussi remarqué et l'a accepté comme assistant. Donc, Brancusi est entré dans l'atelier de Rodin. Il a resté quelques mois ou peut-être un mois. Et après, il est parti parce qu'il disait, bon, c'est une phrase quelque part, il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres. Grands arbres. Donc, elle a commencé à travailler toute seule. Donc, on est maintenant déjà 1906, 7, 8. Ça passe vite. Je ne vois pas bien mon texte parce qu'il y a le micro devant moi. Donc c'est à ce moment-là que sa carrière commence avec des œuvres de plus en plus personnelles. Et, ça c'est intéressant, peut-être qu'il fait aussi des connaissances avec des autres personnalités artistiques de ce temps-là, comme un photographe peintre américain, Edward Steichen. Alors aussi les artistes cubistes, le cubiste Albert Gleizes, il y a Amedeo Modigliani, le douanier Rousseau qui devient un ami, et aussi Fernand Léger. Et donc sa carrière est lancée, alors il expose aussi plusieurs fois au Salon des indépendants, comme tous ces artistes de ce temps-là, les artistes avant-garde. Et un peu après, son ami douanier Rousseau mort, et avec quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus le nom, ils ont gravé quelque chose sur le tombe de douanier Rousseau, l'artiste naïf. Ils ont mis un petit cheval. Ah, voilà. Alors, il rencontre encore des autres gens, c'est comme ça, ça marche. Par exemple, comme les futuristes, Marinetti, Severini, Boccioni, et aussi Marcel Duchamp. Et avec Marcel Duchamp aussi, il garde une amitié pendant des années et des années. Il rencontre Picasso, Apollinaire, patati patata. Voilà. Vu les contacts aussi avec Steichen, qui était américain, donc il va commencer aussi à exposer en Amérique, aux États-Unis, où ils ont bien apprécié ses œuvres, ben, pas tout le monde, mais quand même. Et donc là, il a fait ça en 1913, la première fois. Et alors, peut-être une autre rencontre après la Première Guerre mondiale qui était intéressante aussi, et là aussi, c'est une amitié qui va durer toute leur vie, c'est la rencontre avec Erik Satie, le componiste avant-garde aussi, ouais. Et qui devient un de ses meilleurs amis, et peut-être que après tout ce que j'ai dit ici, on peut laisser entendre un petit morceau de musique d'Erik Satie. Oui, quand même aussi dire que j'ai apprécié pendant l'expo, mais bon, j'étais là le vendredi après-midi, qu'il y avait quelqu'un qui jouait sur le piano la pièce d'Erik Satie. Donc, l'agent, il était vraiment caché derrière un rideau pendant que les gens passaient l'expo. Zut, ça, pas aujourd'hui. Ouais. Nous, on ne l'a pas vu non plus. Oui, c'était bien. Il avait bien joué. Ben, voilà, c'était Eric Satie, mais tu voulais dire encore autre chose. Oui, bah bon, je passe un peu aussi dans la biographie. J'avance parce qu'on va rencontrer encore des autres gens aussi. Mais ce qui s'est passé, par exemple, en 1920, c'est qu'une œuvre de Brancusi fut refusée au Salon des Indépendants, parce que soi-disant pornographique. Bon, on a la radio, donc c'est un peu compliqué de montrer... Princesse X. Oui, c'est un peu compliqué de montrer de quoi il s'agit. Mais quand on le voit, on comprend pourquoi certaines personnes pouvaient penser que c'était pornographique. De l'autre côté, c'est assez spécial qu'un salon des indépendants fasse de la censure. Donc ça, je trouvais ça spécial. Bon. Alors, une autre rencontre, et on va peut-être qu'Axel va ajouter des choses après, c'est qu'il rencontre Man Ray, un photographe dadaïste surréaliste américain, qui était aussi, pendant une période, qui était anarchiste. Et c'est une période à New York, c'est une période peut-être moins connue. Il suivait des cours à l'école moderne, de Modern School, de Francisco Ferrer. Ah oui. Enfin, basé sur les idées de Francisco Ferrer, parce qu'il était déjà tué avant par les Espagnols. Et dans cette école-là, il a aussi rencontré des autres gens, comme par exemple Emma Goldman. Et Man Ray, il a dessiné deux couvertures pour la revue Mother Earth de Emma Goldman, dans les années 9, 10, 13, je ne sais plus quand. Et un autre, mais ça n'a rien à voir avec Brancusi, mais peut-être que je vais parler de ça dans une autre fois, dans le futur. Un ami de Man Ray à ce moment-là, c'est un certain artiste qui s'appelait Adolf Wolf, que personne ne connaît. Et en fait, c'était un Belge qui a émigré aux États-Unis, qui a aussi été à cette école-là, qui avait une copine qui s'appelait Adon Lacroix, qui était une poète aussi. Et alors, Man Ray on allait avec la copine d'Adolf Wolf, mais ça c'est une autre histoire aussi. Et ensemble avec Marie Adolf Wolf, ils ont aussi créé deux petites revues, dont l'un s'appelait TNT, donc avec l'explosion anarchiste et tout ça. Donc j'ai quand même trouvé un petit lien. Il y a ce qui était important, c'est mais qui n'a pas influencé Brancusi pour ça. on ne sait jamais. Mais bon, Brancusi, elle était aussi, mais il faut m'aider ici, Miss Diener. Donc quand il y a la messe, il y a les jeunes garçons qui sont là pour aider le... Oui. Comment s'appelle ça en français? Le prêtre? Non, les jeunes garçons qui aident. Les cours de cœur. Le cœur. Ouais. Moi j'ai fait ça aussi. Les enfants de cœur. Parce que moi j'ai fait ça aussi une fois. Mais une fois parce que on pouvait aussi faire la musique avec les petites cloches là. Et j'aimais tellement bien que je fais toujours la musique là. Donc je ne pouvais pas faire ça une deuxième fois. Mais bon, Man Ray un peu qui a appris ou qui a aidé Brancusi avec la photographie. Donc ils ont ensemble acheté un appareil. Man Ray lui a expliqué aussi un peu comment ça fonctionnait. Et à ce moment-là, Brancusi a déjà vu des photos que, par exemple, Steichen et les autres ont fait des œuvres là. Il n'était pas content, donc il commençait à lui-même faire les photos de ses œuvres en composition, enfin une sorte de composition qu'il aimait bien. Donc il a commencé à créer une sorte, pour moi, au moins, l'idée même de ce fameux artiste individuel qui... Donc son propre artiste génie créateur avec la photographie. Donc personne d'autre pouvait montrer comment lui... était, comment lui faisait les œuvres, comment les œuvres étaient montrées. Oui, c'est lui qui faisait des autoportraits de lui-même. Oui, oui, c'est ça. Et je ne sais pas, Axel, vous voulez encore dire des choses aussi sur Man Ray et, oui, et la copine. Man Ray était assez copain avec Brancusi, étant donné qu'il lui apprenait à faire de la photo. Mon micro ne marche pas très bien, voilà, ça va mieux. Et il a surtout, comme il connaissait plein de gens, Man Ray, et il avait un modèle un peu ce qu'il voyait souvent. D'ailleurs, dans l'expo, il y a une photo d'elle. Et Brancusi l'a pris pour faire des modèles de nus et de compagnie. Oui, ça... Oui. C'était pas elle... Non, c'était quoi? Mais c'était danseuse. Plusieurs, donc il y avait la danseuse, oui, il y avait une copine. Il y avait plein. Brancusi, il a pris beaucoup de modèles, hein, il ne faut pas oublier, quoi. Et puis il connaissait plein de gens. Oui. Donc, en fait, il y a deux thèmes dans l'œuvre de Brancusi quand il faisait des portraits. Donc, pendant une grande partie, c'était pas fait avec sur des modèles. Donc, il y a une œuvre qui s'appelle, je ne rappelle plus le nom, mais là, l'idée de base, c'était Narcissus. Ouais. Et après, c'est devenu le portrait de... Je crois que ça, c'est la mademoiselle Pogani. Qui en fait, c'était pas un modèle, elle existait, mais l'œuvre n'était pas créée sur elle son modèle. Elle était bulgare, je crois. Je crois qu'elle était bulgare, ou un nom comme ça. Alors, on peut arriver peut-être un peu plus tard, parce que bon, il a fait plein d'expositions un peu partout dans le monde, et dans les années 20, de nouveau, il pouvait exposer aux États-Unis. Donc, il a commencé à envoyer ses œuvres-là, et. Certaines de ses œuvres, ou au moins un de ses œuvres, étaient arrêtées à la douane parce qu'on considérait que ce n'était pas de l'art, mais c'était du métal. Donc j'ai ici aussi le texte, mais peut-être... On va voir un morceau d'audio là-dessus. Oui, c'est un audio documentaire qui est fait sur le procès qu'il a eu avec... Parce qu'en fait, dans la loi américaine, on dit la sculpture en tant qu'art est cette discipline des beaux-arts qui consiste à tailler et à sculpter dans la pierre ou tout autre matériau massif, ou à modeler dans l'argile ou toute autre substance plastique, en vue d'une reproduction ultérieure par la fonte ou le moulage, des imitations d'objets naturels, principalement des formes humaines. Elles représentent ces objets dans leurs proportions véritables. Donc, quand on sait que les œuvres de Brancusi, ça allait presque vers l'abstraction, on comprend que les douanes disent non, ce n'est pas de l'art, c'est un morceau de métal. Brancusi n'était pas d'accord, il a fait un procès qu'il a gagné. Mais bon, ça, je pense que peut-être quand on laisse entendre le morceau audio, que c'est mieux expliqué. Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Le procès Brancusi, l'oiseau dans l'espace est-il de l'art ? D'Éric Noirmain. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. L'objet importé se présente comme un bronze d'environ 135 cm de haut, porté par un socle cylindrique d'environ 15 cm de diamètre et 15 cm de hauteur. Il est en cuivre ou bronze brillant, parfaitement poli, de forme symétrique, et mesure à son extrémité supérieure 2,5 à 5 cm de diamètre. Il culmine avec une pointe qui pourrait avoir été taillée à l'emporte-pièce selon une diagonale ascendante, de manière à lui conférer une arête vive. Il s'élargit ensuite vers le bas pour former un léger renflement au centre. À partir de là, il se rétrécit pour se terminer à environ 25 cm du socle, lequel est cylindrique. À ce point, il s'élargit à nouveau pour former un pied conique, lequel repose sur un socle. La pièce est désignée du nom d'oiseau. Faute d'une imagination vive, elle ne présente aucune ressemblance avec un oiseau. Ni tête, ni pattes, ni plumes ne sont figurées. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, la pièce présente une surface entièrement lisse et polie. Paris 1912. Le quatrième salon de la locomotion aérienne se tient au Grand Palais. Dans la foule qui se presse, Marcel Duchamp et Constantin Brancusi contemplent eux aussi l'œuvre des ingénieurs. L'époque est à la révélation de la vitesse et des formes épurées des machines. Une esthétique nouvelle que revendiquent déjà les artistes du mouvement futuriste. Le sculpteur Brancusi s'arrête, frappé par la beauté singulière d'une hélice d'avion. Voilà une sculpture. Ah, c'est fini la peinture. Quelle merveille. Qui ferait mieux que cette hélice ? Dis, tu peux faire ça, Brancusi ? Si je peux faire ça ? Rien qui soit en dessous, en tout cas. La sculpture ne doit dorénavant pas être inférieure à cela. Faire mieux que cette hélice. La question était posée. Duchamp y répondra en iconoclaste. Il exposera des objets manufacturés et voilà un urinoir signé par l'artiste et élevé au rang d'œuvre d'art. Ce sont les fameux « ready-made ». Brancusi, de son côté, y répondra en sculpteur. Quoi de mieux que l'hélice ? Le vol. Exprimer l'essence du vol, ce sera l'une des grandes recherches de sa vie. Si Marcel Duchamp avait révolutionné le statut de l'œuvre d'art en exposant des objets issus de la fabrication courante, ce sont curieusement les œuvres de Brancusi qui se trouvèrent suspectées d'appartenir à la catégorie des objets usuels ce 21 octobre 1926 par l'inspecteur des douanes du port de New York. Brancusi quitte le bureau des douanes sans les sculptures, en compagnie de Marcel Duchamp, qui tient à cette période le rôle d'agent du sculpteur aux États-Unis et organise son exposition à la galerie Brumer. Eh bien, Marcel, je n'ai pas tout compris. C'est simple. Les douanes pourraient bloquer tes caisses si on ne règle pas une taxe exorbitante de 40%, comme pour n'importe quelle marchandise industrielle. On dirait que la loi est contre nous. Mais la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, les œuvres d'art sont exonérées de taxes, en principe. Bien sûr, seulement l'expert des douanes a tranché. Les sculptures sont des objets utilitaires, mon vieux. Qu'est-ce que l'on peut en faire d'utilitaire? C'est ridicule. Là, ça devient comique. Il hésite. Des ustensiles ménagers, des instruments chirurgicaux. Il faut bien que ce soit quelque chose, si ce n'est pas de l'art. Mais qu'ils le disent, ce que c'est, alors, hein? Quoi, c'est un expert, non? Un expert. Il est capable de te citer de mémoire ce qu'est la sculpture en tant qu'art, selon la loi. C'est gravé dans le marbre, ou dans le bois, si on parle de son crâne. La définition qu'il m'a sortie explorait à peu près tout. Tout en dehors de la plus stricte école académique. Même une statue du XIIe siècle ne passerait pas la douane. Selon la définition légale, pour que tes sculptures soient considérées comme artistiques, il faudrait qu'elles représentent des choses réelles et en plus que les proportions soient respectées. Je m'attendais à quelques sarcasmes dans la presse. Des sarcasmes gratuits, bien sûr. Hein. Mais quand même, 40%. La critique de notre douanier, c'est cher pour ce que c'est. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, évidemment. Je crois que je pourrais obtenir l'appui de quelques personnalités influentes. Et tu l'as dit toi-même, la presse ne nous coûte rien. Dans quel utopique pays trouve-t-on un douanier capable d'appréhender les vérités éternelles qui sont approchées par un Shelley ou un Brancusi? Pourtant conscient de la farce assez humiliante qui se joue dans les coulisses, le public intellectuel afflue à la galerie Brumer, où les sculptures de Brancusi enregistrent un réel succès, peut-on lire dans la revue Dial. D'âpres négociations allaient s'engager, un visa de transit fut accordé pour l'exposition, une seule sculpture, appartenant au photographe Edward Steichen, resterait consigné. Il s'agissait de l'oiseau dans l'espace, une longue forme effilée en bronze, polie comme un miroir qui allait devenir l'objet central, le symbole de ce litige. En janvier 1927, c'est à Chicago que se tient la seconde exposition. Le sculpteur étant rentré en France, Duchamp s'occupe de tout. Et cette fois-ci, l'oiseau est présent. Oui, c'est quand même spécial qu'un artiste va prouver qu'il est un artiste et que ce qu'il fait, ce sont des œuvres d'art. Mais grâce à ce procès-là, les lois aux États-Unis ont changé aussi. Mais bon, on est dans les années 20, déjà du 20e siècle. Moi, je trouve ça très, très, très bizarre. Donc, Brancusi est devenu un artiste reconnu partout dans le monde. Il y a, comme lui, est allé voir chez Rodin comment faire de la sculpture et chez Edvard de Rosso. Maintenant, il y a des gens, des nouveaux artistes qui viennent chez lui, comme Barbara Hepworth et Ben Nicholson, des sculpteurs anglais, un peu dans le genre de Henry Moore. C'est ça, qui sont fort impressionnés par le travail que Brancusi fait. Et voilà, donc comme ça, sa vie continue. Il fait des expositions individuelles en groupe partout dans le monde. Alors, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Il vit dans son atelier un peu isolé, donc c'est comme il n'y a pas de contact avec le reste. Et en 1950, il devient français. Donc maintenant, on peut parler que c'est un sculpteur français, assez bizarrement. Mais ce qu'il a fait, c'est assez spécial, c'est qu'un an avant sa mort, en 1957, il lègue par testament son atelier et le condamne son atelier à l'État français. Et donc, d'abord, cet atelier est reconstitué partiellement dans le Musée d'art, national d'art moderne à Paris, et en 1977, en totalité devant le Centre Pompidou. Là, après les inondations, ils ont dû refaire tout un travail. Maintenant, c'est accessible aussi. C'est fait par un architecte. Je pense que c'est Renzo. Bien, je me suis tout à fait sûr. Ce que c'est juste, c'est qu'on a essayé un peu de garder l'état de son atelier, parce que ça, c'est le souhait de Brancusi aussi. Mais quoi, avec tous les éléments qu'on doit mettre dans les bâtiments maintenant pour être sûr qu'il n'y a plus d'inondations et autres, que ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est un peu plus blanc aussi. Quand on voit les photos, même que Brancusi a fait, on voit quand même un atelier qui est parfois un peu en désordre aussi. Et maintenant, quand on va visiter le musée, c'est très net, donc un peu trop net. Mais bon, ça, c'est la vie aussi, je suppose. Axel va encore dire quelque chose là-dessus. Moi, je trouve l'atelier le plus bordélique des artistes, c'est Francis Bacon. Il avait un atelier, c'était, si vous avez l'occasion, il y a une exposition de Francis Bacon à Paris, mais si vous trouvez, parce que tout livre sur Bacon, on voit son atelier, c'est fabuleux. Ils l'ont refait, hein, donc ils ont refait l'atelier aussi, donc c'est gardé quelque part. Ouais, ouais. C'était à Londres, je crois qu'il a été fait à Londres. Et en fait, l'atelier était à Londres, de toute façon. Ouais. Et en fait, au départ, il voulait l'emmener à Dublin, parce qu'il était anglais, Bacon, mais il avait toujours vécu à Dublin, quoi. Et après, il a été en Angleterre. Oui, voilà. Donc ça, c'est encore un autre artiste qui est très intéressant aussi, Bacon. Ouais. Ça peut être aussi pour une autre fois. en général, parler de l'art plastique sur la radio, c'est assez difficile. Donc, moi, je pense que c'est mieux aussi soit aller à l'expo et quand c'est trop cher, essayer de trouver une manière d'y aller sans pied. Mais bon, ça, c'est une autre question. Trouver des livres en bon marché. C'est le problème des expos. C'est-à-dire que c'est le problème de... De tout maintenant en culture. Comment s'appelle le monde est un commerce, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus rien de gratuit. Les toilettes, ce n'est pas gratuit. Tout qui était... Il n'y a plus de choses publiques. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de sculpture de Brancusi en Roumanie dans un parc ou dans oui, un... Oui, donc, il y a... Ce qu'il a fait, donc, quand j'avais dit tantôt qu'il était en train d'aller vers l'abstraction, donc il a commencé avec des sculptures comme Rodin, donc il y a le baiser, il y a les têtes garçons, des filles et tout ça, et de plus en plus, on voit qu'en fait, qu'il stylise et que les sculptures deviennent des objets, ou comme ils ont dit aussi dans le petit reportage qu'on vient d'entendre aussi, qu'il essayait aussi de donner une sorte d'impression de légèreté, de vol. Et là, pour ça, il a par exemple, certaines de ses sculptures sont mises sur un plateau réflectant qui donne aussi à ce moment-là aussi que la sculpture est en train de voler. Une autre chose qu'il a fait, et ça c'est aussi en Roumanie, en Târgu Jiu, c'est la colonne sans fin, donc ça il l'a fait dans les années 30, mais c'est un peu difficile à expliquer comment c'est, mais c'est... Mm-hmm. Oui. C'est une colonne sans fin. C'est une colonne sans fin, il y a un fin, mais quand tu regardes, ça donne une sorte d'impression que c'est infini. Un peu une vis d'Archimède. Et aussi la sculpture, l'oiseau dans l'espace dont on a parlé dans le petit reportage qui était... bloqué à la douane aussi. Donc là, on voit aussi que c'est un oiseau qui veut s'envoler, même si vraiment c'est sur du matériel très lourd et très vaste. Il donne l'impression d'une légèreté, de légèreté. Il y avait des sculptures de Brancusi que j'ai vues avant-hier qui ressemblaient assez fortement que... Je vais revenir... Il a fait des sculptures comme ça, comment il s'appelle, Max Beal, c'est un peu copié. Des trucs comme ça. Oui, mais ça, sont des trucs quand ils sont très carrés, là. Et Max Biel a fait ça, je ne sais pas, à Zurich, il y a une grande sculpture comme ça, près du lac. Il y en a une à Genève, je crois, aussi. Et je trouvais que c'était assez drôle, parce qu'ils ont... Ils ont eu un parcours... parce que Max Biel est né au début du siècle. Et je pense qu'il y a eu une mais ça doit être plutôt l'inverse, alors. Oui, Brancus l'inverse. Est plus vieux que Max Biel. Je pense que c'est Max Biel qui a été inspiré par Oui, non, non, mais... Et c'est assez drôle, d'ailleurs. Mais il y a encore un procès, là, qui a lieu en ce moment, à propos de procès sur la tombe de Montparnasse, là. T'es pas au courant? Non. Parce qu'en fait, il y a une sculpture du baiser, il y a la tombe d'une Russe, c'est une Russe exilée qui est morte à Paris en 1910, et qui est ornée avec une sculpture de Brancusi. Ouais. Et alors les héritiers veulent absolument récupérer cette sculpture, parce que ça coûte de l'argent. Ben oui, ça... Alors il y a tout un procès entre l'État français et les héritiers de cette personne. Ouais. Voilà. Mais là, c'est horrible. En plus, c'est toujours les héritiers presque qui donnent ce genre de problème, comme on a aussi avec Magritte et Hergé et tout ça. Donc ça... Ouais. Oui, je connaissais pas l'histoire, mais j'ai vu la photo. Parce ça que s'appelle le baiser du cimetière de Montparnasse, parce qu'ils veulent le vendre aux enchères, et comme il y a plein de gens qui voudraient éventuellement l'acheter, parce que ça coûte, je sais plus, 60 millions d'euros, ou un truc comme ça, enfin un truc... Oui, mais ça, c'est le problème des grands artistes. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé au Palais Stockley aussi. Hein, ouais. Donc on n'est pas sûr qu'il y ait encore toutes les choses dedans, que la famille ou les héritiers ont déjà vendu des parties du Palais Stockley, qu'on ne peut pas visiter, malheureusement, aussi. Et il y a aussi le problème de Picasso, quoi, que Paola Picasso a vendu les droits à Citroën pour qu'il y ait une voiture Picasso, quoi. C'est un peu scandaleux, quoi. Bientôt il y aura des Tampax Picasso. C'est plutôt Brancusi, alors. Plus ou moins Brancusi. Ok. Donc voilà. Donc, mais à part le prix qui était très cher, c'est peut-être quand même intéressant si vous voulez d'aller voir. Oui, parce que c'est quand même assez beau. Hein, bah, c'est ça. Donc, déjà une œuvre qu'il a fait assez tôt, c'est le... Comment c'est le début du monde, l'origine du monde. Oui. Donc c'est un œuf, mais c'est tellement lisse et magnifiquement fait qu'on peut juste regarder comme ça. Quoi, avec la musique de Satie, comme accompagnement, ce serait beau. Non, mais c'était vraiment chouette d'avoir en live. Courbet, c'est la naissance du monde. Voilà. La naissance du monde. L'origine du monde, c'est de Courbet, c'est un peu différent. Oui, c'était un peu différent. C'est extraordinaire. Quand on a été à Paris avec Nicole, on a été au musée de Orsay, et on voulait voir Courbet, la naissance du monde. Avant, il était dans une salle avec tout plein de trucs. Et là, il était dans une toute petite pièce comme ça, qu'il fallait faire une sorte de passer deux ou trois pièces. Ah, c'est spécial parce qu'il y a, je ne sais pas combien d'années quand moi je suis allé voir, c'était vraiment au rez-de-chaussée, dans la grande salle. C'était dans la grande salle. Tandis que maintenant, ils l'ont mis dans une salle un peu excentrée par rapport aux autres tableaux, et il est tout seul dans une salle. Et après, j'ai voulu acheter des cartes postales de la naissance du monde. Ben, il n'y en avait plus. Et il n'y en a jamais, en fait. Et moi, j'en ai trouvé... j'en ai trouvé au musée de Genève, je crois, où il y avait la naissance du monde. Mais ce qui est spécial avec ce tableau-là, c'est en fait maintenant tout le monde veut le voir, mais quand Courbet l'a fait, c'était pas pour que les gens le voient, c'était juste pour une personne. Et il a appartenu pendant très longtemps à Lacan. Oui. Il l'avait mis dans comment ça s'appelle, dans son... Avec des rideaux. Oui, avec des rideaux. Okay. Bon, peut-être on peut passer à l'autre musique pour parler d'un autre artiste qui est aussi à Beaux-Arts. Guess Haring. Oui, donc il y a Keith Haring. Donc ça a commencé la semaine passée, je pense. Oui. Que c'est bien sûr tout à fait différent que Brancusi. Oui. Que pour moi, c'est aussi très intéressant, peut-être pour les autres gens aussi, que, vu que j'étais déjà là dans les années 70, donc il n'est pas beau. Je pense qu'il était quelques années plus vieux que moi. Donc, tout ce qui s'est passé fin des années 70 et puis dans les années 80, ça touche. Ce qui est important pour moi dans cette exposition-là, c'est d'abord qu'il le note quand même dans le catalogue, mais de voir ce genre d'artistes dans des musées, ça fait toujours un peu mal. Hein, donc, cette commercialisation d'un artiste qui, quand même, pendant une grande partie de sa vie, s'est battu justement contre ça, qu'il voulait faire l'art pour tout le monde. Même à un certain moment, il a commencé aussi à commercialiser tout ce qu'il faisait, mais il gardait toujours la possibilité qu'il avait quelque part une sorte de citation. Il disait que voilà, même s'il y a des œuvres d'art que j'ai fait pour 30 000 euros, je veux aussi faire des t-shirts que les gens peuvent acheter avec des choses que j'ai fait aussi, donc pour 5 euros. Il a fait euros, des dessins par terre. Ouais. Donc, mais peut-être qu'on va d'abord faire une petite musique pour... c'est une musique de Contortion, ça s'appelle No Wave, le genre des années 80 à New York. C'est une musique assez dure parfois, et pas toujours, pas facile à écouter, mais ça montre aussi le genre de monde... où ce genre d'artistes vivaient fin des années 70, début des années 80, dans un New York qui était très libéré, mais en fait tout était possible. Mais c'était assez très radical aussi dans toutes les expressions. À Chelsea. C'était Hotel. Souvent dans le quartier de Chelsea, parce que Chelsea a été connu par Andy Warhol et Jefferson Airplane. Qui allait à l'hôtel. Leonard et il y avait un hôtel où il y avait tous les gens qui passaient. Et c'était dans le quartier. Je pense que Haring a dû circuler parce qu'il y avait beaucoup de fêtes, parce qu'il allait à beaucoup de fêtes. Oui, il organisait lui-même aussi. Ouais, donc, qu'il faisait lui-même aussi. Ouais. Yourself. Oh. At first you ride in position, and then you shatter your frame, and then you stretch your resistance until your mind is slipped away. And once you forget your affection for the human race, reduce yourself to a zero, and baby, then you'll fall right in place. Control yourself one time, control yourself two times, control yourself three times, control yourself four times, control yourself five times. Oui. De quoi? Non, il faut d'abord parler de qui. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Qu'est-ce qui se... Non, non, vas-y. Voilà, alors, juste encore quelques petits mots sur Keith Haring, et après, il y a le reste du programme qui va suivre. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est un garçon qui vient d'une petite ville un peu... Enfin, quelque part aux États-Unis. Il était homosexuel. Il arrive enfin à New York dans une période fin de l'année 70 où il y a quand même une scène assez vibrante, artistiquement, avant-garde, musique, culture, théâtre. Et aussi, là, il pouvait être homosexuel sans vraiment avoir peur. Mais au même temps, au même moment, enfin un peu après, il y avait bien sûr le sida qui arrivait. Donc, et ce sont trois thèmes dans son œuvre qui sont importants. Donc c'est le sida, c'est la peur du nucléaire aussi, parce qu'on a, c'est la période, pour ceux qui se rappellent, que la période de Thatcher et Reagan. Moi j'avais encore un poster d'Alternative Liberté, ou de 21 mars, sur ma chambre aussi, autant porte le vent avec Thatcher et Reagan. En position de ce fameux film. Là. Et ce qui était important aussi, c'est que tout ce qui a à voir avec les enfants. Donc, il aimait bien les enfants. Donc, il a fait plein de choses. Il a fait des grands graffitis, des grandes œuvres d'art, de dizaines, dizaines de mètres ensemble avec 500 enfants, parfois, pour faire des choses. Concernant son activisme, il a fait aussi une œuvre qui est le triangle rose. Que les homosexuels devaient porter pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis. Et c'est ACT UP qui a repris ça comme symbole et a encore travaillé pour eux aussi et a fait des choses pour eux. Et à un certain moment, vu aussi qu'à cette période-là, la vie était quand même assez libre, il s'est réalisé aussi qu'il a eu le sida. Il est mort, en 90, assez jeune aussi. Oui. Donc, oui, c'est une période que maintenant on commence peut-être en regardant, on dit voilà, les années 80. Oui, c'était chouette, mais c'était très dur, mais très intéressant aussi. Mm-hmm. Et voilà. Il a fait un beau dessin aussi contre la drogue, contre le crack. Et, ouais. Ça aussi. Ouais. Et aussi contre. Ah oui, c'était important aussi. C'est aussi, il a fait beaucoup de dessins contre le racisme aussi. Et contre le racisme aussi. Ouais. Ouais. Donc même si c'est un jeune blanc qui arrivait là à New York, donc c'est bien aussi. Ouais, non, il a été assez militant pour plein de choses, ouais. Notamment pour toute la problématique de son homosexualité, les queers, machin et tout, ouais. Et aussi contre les drogues, contre le racisme. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est une exposition aussi très intéressante. Mais bon, là, on peut aussi trouver plein d'informations sur lui. Et sur Brancusi aussi, hein, donc on peut chercher sur Internet. On n'a pas nécessairement allé dans les musées. Mais pour Brancusi, je ne sais pas que, à part peut-être la statue qui se trouve sur le cimetière là, de Montparnasse. C'est un peu difficile peut-être pour les autres œuvres. Mais là, c'est toujours très intéressant. Moi, j'aime bien faire ça, c'est de parcourir les villes et pour voir les œuvres d'art qui existent dans les rues. Et skittering, c'est aussi dans la période où les graffitis, c'était avant, c'était plutôt des tags, hein, on mettait un nom, une signature, et que c'est devenu vraiment un art. Il a, pendant des années, il a fait des milliers et milliers de dessins dans le métro de New York. Donc, oui. Mais il y a, je crois que c'est à Paris, je crois qu'il y a une espèce de grande sculpture avec deux boxeurs comme ça, de skittering. Ah ouais. Oui, ça, c'est vrai. Qui est dans la rue, en fait. Okay. Ouais. Ok, donc je ne sais pas qu'on doit mettre encore un petit morceau de musique ou c'est Nicole avec l'agenda. Donc il existe quelque part un disque avec de la musique qui était inspirée, que Kitarin trouvait inspirant, et une de ces morceaux-là, c'était un morceau de Talking Heads qu'on va maintenant entendre. C'est Zebra. Oui, c'est ça, Zebra. Merci Eric. Tu as quelques trucs à rajouter ? Non. Non, ça va. En tout cas, merci Eric. C'est merci, toujours c'était un très grand bien. Plaisir de venir. C'était te... bien fait. Oui. Donc, mais en fait, la prochaine fois que je viens, je vais essayer de trouver des artistes qui ont vraiment un lien avec l'anarchie, parce que ça, c'est un peu mon domaine de recherche aussi. Ah, ok. Et là, ça va peut-être un peu plus facile pour moi. D'accord. Oui, ça va. Okay. Mais il faut nous dire si jamais tu n'as pas envie. Ah non, mais c'est avec plaisir que je l'ai fait. C'était juste un peu moins facile. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis, j'espère qu'on te verra bientôt pour une prochaine émission culturelle. Mais tu peux venir aussi parler des artistes anarchistes sans qu'il y ait une exposition. Oui, promis. fait notre petit chien qui s'endort. Bah, le chien, il dormait, il vous salue bien et voilà. Voilà. Et amusez-vous bien à la next time. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci Eric encore. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Oh ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transgenre. De Transgenre. De Transgenre.